قال الله تعالى ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين qui donc est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, ce qui ne peut lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, alors qu'ils sont inattentifs à leurs invocations. Et lorsque les gens seront tous rassemblés, alors ces fausses divinités leur deviendront ennemis et déclareront leur mécréance envers le culte qui leur a été voué. Que ce soit entre les Ubbad ou les Ma'boudat, dans les dévots et leurs adorations. Mais la Qiyama, ils les désavoueront. Que ce soit Shaitan avec ses Adba', comme encore le Ta'ala, comme c'est les Shaitan, et ce qu'on a l'insan au Kfour, فَلَمَّا كَفَرَكَ عَلَيْنِ بَرِيُّ مِنْكَ إِنْ يَخَفُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Parce que Shaitan dit aux gens, mais croyez, plutôt mais crois, parce que tu auras mécru, il va dire, moi je suis innocent de toi, moi j'ai peur d'Allah. Ça y est, فَقَلْ لَنْ يَتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَّا كَرَّةً فَنَا تَبَرَهُ مِنْهُ كَمَا تَبَرَهُ مِنَّا. Également, quand ceux qui auront eu des gens qui suivaient en ce bas monde, dans l'égarement, comme le Qiyama, ces personnes suivies se désavoueront de leurs suiveurs. Et les suiveurs regretteront et diront si nous pouvons retourner sur terre avec nous, désavouons ces gens-là. En fait, au final, ils seront tous les uns contre les autres. Vous voyez ? Il ne restera que qui ? Les Mouahidin, qui seront avec Allah Azzawajal, et ceux qui seront aimés en Allah, qui seront entre eux. Les seuls. Les autres, ils vont tous se désavouer. Donc leur alliance n'est que utopie. Tout ce que tu vois actuellement là, c'est une fausse alliance qui finira par une vraie animosité. Ils ne pourront rien faire pour eux. Les gens, مثلاً, les Al-Kitab qui font des adorations pour leur Ruhban ou Arbab, Ruhban ou Ahbar, يوم القيامة, leurs rabbins et leurs moines, ils désavoueront tous. Le pape, il désavouera tout le monde. Voire même, Al-Masih désavouera tous ceux qui l'auront adoré. Sauf que lui, il reconnaîtra ses alliés. Alors qu'eux, ils ne reconnaîtront personne. Parce qu'à la base, eux-mêmes étaient des gens du faux. D'accord ? Mariam, Kazalik, a désavoué tous ceux qui l'auront adoré et qui l'auront attribué une partie de la divinité. Tous. Les Mubtadi'a désavoueront leurs suiveurs. Les Tawarit désavoueront ceux qui leur ont obéi. Et ainsi de suite. Et tout le monde voudra trouver une échappatoire, mais ne trouvera rien du tout. Que le châtiment de part en part. Fahyada, dès maintenant, la personne qui voudra trouver, on va dire, des témoins en sa faveur, Yom al-Qiyama, alors qu'il s'allie au jour du Haqq, qui témoigneront qu'un tel faisait la salat, un tel adorait Allah, un tel était avec nous. Quand les gens passeront le Malqiyam au-dessus du pont, au-dessus de l'enfer, d'accord, certains passeront comme un clin d'œil. Certains passeront à la vitesse de l'éclair. Certains passeront à la vitesse du vent. Certains passeront à la vitesse d'un cavalier sur une bonne monture, ainsi de suite. Certains se feront griffer par les crochets qui sortiront du feu pour les attraper. Certains se feront attraper. Et quand ils seront passés, ils diront « Rabbana, ikhwanuna, alladhina kanu ya'maluna ma'ana ». Ils diront « On ne voit pas nos frères, ceux qui étaient avec nous, qui œuvraient avec nous, ils seraient avec nous, ils essayaient avec nous. » Qu'est-ce qu'il dira Allah Azza wa Jal ?« Qala idhhabu, faman wajadtum fi kalbihi iskara dharatin min iman fa'akhrijuhu. » D'accord ? Et que Allah Azza wa Jal aura interdit au nar de manger les traces de sujoud. Donc ils la connaîtront comme cela. Donc même le jour du Qiyam, les gens se rappelleront, les gens qu'ils ont connus dans la dunya, de qui ils ont vu du khayr. Et ils font shafa'a pour eux. Alors que les autres, ils ne font que se désavouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, hadha huwa, les gens du haq, même si en ce bas monde, tu pourras avoir des tensions entre nous, yawm al-qiyama, ils sont des alliés. En ce bas monde, les êtres humains entre nous, des tensions. Yawm al-qiyama, les vrais alliés et les vrais croyants, ils auront justement une alliance, celle qui était pour Allah Azza wa Jal, qui profitera à chacun. Fa'ala muhim jiddan. Le haq, tu verras vraiment c'est allez comme ça. La tamassuk bihi wa ittiba'uhu satara atharahu ba'd al-maut jiddan. Amma al-batil kadhalik satara atharahu al-jali ba'd al-maut. La vérité apparaîtra clairement après la mort. Et le faux, tu verras les gens du faux, comment ils se désavoueront, se dénonceront, et tenteront de sauver les uns des autres. Même un père de son fils, même un frère de son frère,